deux imbéciles amoureux qui viennent de faire l'amour. Enivré de beuh et de cyprine, encollé pour la vie comme des rustines. Une illusion, une illusion. Sous sa chemise, assoiffée de gourmandise, lui flottant sur un nuage de guimauve, profitant chaque instant de sa vie rose.